Alors, écoutez, cette belle mosquée algérienne en terre française, d'ailleurs, elle représente le lien entre les deux peuples frères au niveau de la Méditerranée. Comme disait Albert Camus, l'Algérie, mon amour, je t'aime, je vais te prendre par derrière. Excusez-moi, quand on dit mais quand on dit Donc, à une mosquée qui l'époque. est athée et laïque, tu le voulais préciser, athée Mais et attends, laïque. mais excusez-moi, monsieur Hans Gruber, monsieur Hans Gruber. Monsieur, nos amis marocains vous écoutent. Vous vivez dans la misère et l'analphabétisme. Monsieur Hans Gruber, quand vous dites un peuple Monsieur Karim, si j'ai bien compris, donc même les artisans, ce sont des Français, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout à fait, d'Algérie, c'était tout à des fait. Français. Ce Ah sont des oui. Français algériens, monsieur. Oui, à l'époque, on appelait pas ça le Chélige, on appelait ça le Zélige. Monsieur, tout ce que vous voyez dans l'architecture franco-algérienne républicaine et de la République, ce sont des élites avec un D, monsieur. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça veut dire en fait l'Algérie existait avant la France, c'est ça en fait vos propos. Non, monsieur, vous n'avez rien compris. Et en plus, vous gâchez ma soirée. Je tenais à dire que après la salade Jumura, nous organisons un couscous merguez. Tout le monde Tartiflette. est Est-ce qu'il a la tartiflette avec du avec vin une rouge. projection d'un film, hein? La projection d'un film, je laisse le soin d'Anne de vous le préciser. Et attention, le prochain qui vient en djellaba féodale marocaine ou qui vient réciter des choses en arabe, et je ne comprends pas bien l'arabe, il doit être refoulé à la frontière. Mon ami Darmanin sera là pour surveiller. Nous voulons une salade Jumura républicaine, démocratique, populaire, Athée, laïque, monsieur. et il y aura du jambon beurre à volonté Isla Bonita. Mais qu'est-ce que ça veut dire Jumura chez vous? Qu'est-ce que c'est ce mot encore qui vient de la génération? Monsieur, je ne veux pas qu'on mélange l'islam de France. Je ne veux pas qu'on mélange l'islam algérien, français, républicain avec votre islam féodal. Mais monsieur, ce mot-là, vous écoutez, c'est un mot grec, non? Le mot. Monsieur, ne mélangez pas l'islam de France avec votre islam féodal. Merci.